Alors, maintenant, dites-moi, je ne peux pas le faire maintenant. Non posso farlo ora. Oui, non posso farlo ora. Mais il y a aussi l'autre solution, non? Non lo peut posso fare ora. Bien, non lo posso fare ora. Vous pouvez continuer à dire non posso farlo si vous voulez, mais il faut aussi que vous compreniez si on vous dit non lo posso fare. Comment diriez-vous je ne peux pas vous dire où il est parce que je ne le sais pas? Non le posso dire. Oui, bien. Non le posso dire où il est parce que. Non le posso dire. Dove perché? Attention à l'accentuation. Si vous insistez sur le O de dove, vous dites simplement où. Ce que je vous ai demandé, c'est où il est. Donc où plus un verbe. Dove è. Oui, mais n'oubliez pas qu'on contracte dans ce cas. Non le posso dire. Dove? Dove, oui. D-O-V-E, accent grave. C'est la contraction de dove et de è, avec une apostrophe qui remplace le E final de dove. Au départ, on disait dove è, mais comme ce n'était pas facile à dire, le E final de dove a fini par tomber et on dit aujourd'hui dove. Alors, reprenons. Je ne peux pas vous dire où il est parce que je ne le sais pas. Non le posso dire dov'è perché non lo sa. Je sais se dit so. So, bien, so, S-O, so. Et donc, parce que je ne le sais pas. Perché non lo so. Perché non lo so, voilà. Non le posso dire dov'è perché non lo so. Alors, vous avez dit non le posso dire, je ne peux pas vous dire, mais il y a une autre possibilité. Non. Non posso dirle. Bien. Non posso dirle perché. Non. D'abord, il y a où il est. Je ne peux pas vous dire où il est. Non posso dirle dov'è. Oui. Parce que je ne le sais pas. Perché non lo so. Bien. Non posso dirle dov'è perché non lo so. Comment traduisez-vous maintenant je veux vous dire quelque chose. Voglio dirle che cosa. Che cosa sert à poser une question. Ça veut dire que ou qu'est-ce que. Ici, ce n'est pas une question. C'est « je veux vous dire quelque chose ». Comment dit-on « quelque chose » ?« Qualcosa ».« Voglio dirle qualcosa ». Oui, encore une fois, s'il vous plaît. « Voglio dirle qualcosa ».« Dirle ».« Dirle ». Non, ce n'est pas « dirle », mais « dirle ». On a deux mots rattachés l'un à l'autre. Et le premier, c'est le verbe « dire ». Dans lequel on insiste sur la première syllabe, sur le « i ». Quand on rattache « le » à la fin du verbe, on conserve la même accentuation. On insiste toujours sur le « i ». Ça donne « dirle ».« Dirle ».« Voglio dirle qualcosa ». D'accord. « Voglio dirle qualcosa ». Maintenant, comment traduisez-vous « je ne vous dirai pas où il est ». Non le dirò dov'è. Non le dirò dov'è. Oui, c'est bien. Je pense que maintenant, vous avez bien compris la différence entre le le qui se rattache en fin de verbe, quand ce verbe est un infinitif, voglio dirle, et le le qui ne se rattache pas. Non le dirò. Rappelez-moi maintenant comment on dit ça me plaît, j'aime. Mi piace. Mi piace. Mm-hmm. E vous aimez ou ça vous plaît? Le piace. Le piace. Mm-hmm. E comment diriez-vous est-ce que ça vous déplaît? Au lieu de le piace, on a le contraire. Le dispiace. Le dispiace. Oui, le dispiace. Cette expression, c'est aussi une autre façon de dire est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, par exemple, est-ce que vous pourriez m'aider? D'ailleurs, comment diriez-vous ça? Est-ce que vous pourriez m'aider? Le dispiace. Le dispiace a... Le verbe aider se dit aiutare. Donc, m'aider se dira... Aiutare mi? Le dispiace aiutarmi? Voilà, mot à mot, c'est est-ce que ça vous déplaît de m'aider? Le dispiace aiutarmi? C'est une façon de demander un service ou un renseignement, qui est plus poli qu'un simple dites-moi ou aidez-moi.